tu demanderas après mon maître que celui qui affronte encore ses couloirs pourra entendre leur voix étouffée par les nôtres. Brouhaha résonnant toujours dans un passé commun. Des après-midi s'étiraient, nous étions des enfants pensant profaner un espace sacré, nous tous. Du moins ce que nous étions, avons prouvé être plus braves que l'oubli. 20 ans se sont écoulés depuis notre départ. Le ciel était limpide, tout comme les salutations. Sans maladie, un océan nous accueillait, aussi serein que ces visages qui prenaient le large. Nous avions peu de choses sur les tempêtes et naufrages. Au-delà de l'horizon, des cataclysmes indifférents frappaient les cités que nous construisions ensemble sur des carreaux verts entre des murs jaunes. Disparu, tout comme ces jours de triomphe et de punition, des joyaux que les pirates de 2 décennies ont pillés. Que cet après-midi, si nous déterrons, 1985 n'était pas une année, c'était une victoire sur un champ couvert. Des jours éphémères, mais pourtant vivant dans les vallées et les bois de Bucaramanga. M'a conduit à tes champs, à une confrérie d'âmes transparentes et belles, que les années et le chagrin n'ont jamais brisé. Prospère après-midi de mon enfance tardive.